À la fin de juillet, une baisse inexplicable fit tomber les actions du Nord. Frédéric n'avait pas vendu les siennes. Il perdit d'un seul coup 60 000 francs. Ses revenus se trouvaient sensiblement diminués. Il devait ou restreindre sa dépense, ou prendre un état, ou faire un beau mariage. Alors, Deslauriers lui parla de Mademoiselle Roque. Rien ne l'empêchait d'aller voir un peu les choses par lui-même. Frédéric était un peu fatigué. La province et la maison maternelle le délasseraient. Il partit. L'aspect des rues de Nogent, qu'il monta sous le clair de la lune, le reporta dans de vieux souvenirs, et il éprouvait une sorte d'angoisse, comme ceux qui reviennent après de longs voyages. Il y avait chez sa mère tous les habitués d'autrefois, messieurs Gamblin, Eudras et Chambrion, la famille Lebrun, entre guillemets, ses demoiselles Auger. De plus, le père Roque, et en face de Madame Moreau, devant une table de jeu, Mademoiselle Louise. C'était une femme, à présent. Elle se leva en poussant un cri. Tous s'agitèrent. Elle était restée immobile, debout, et les quatre flambeaux d'argent posés sur la table augmentaient sa pâleur. Quand elle se remit à jouer, sa main tremblait. Cette émotion flatta démesurément Frédéric, dont l'orgueil était malade. Il se dit « Tu m'aimeras, toi !» Et, prenant sa revanche des déboires qu'il avait essuyés là-bas, il se mit à faire le Parisien, le Lion, donna des nouvelles des théâtres, rapporta des anecdotes du monde, puisait dans les petits journaux, enfin, éblouit ses compatriotes. Le lendemain, Madame Moreau s'étendit sur les qualités de Louise, puis énuméra les bois, les fermes qu'elle posséderait. La fortune de M. Roque était considérable. Il avait acquise en faisant des placements pour M. d'Ambreuse, car il prêtait à des personnes pouvant offrir de bonnes garanties hypothécaires, ce qui lui permettait de demander des suppléments ou des commissions. Le capital, grâce à une surveillance active, ne risquait rien. D'ailleurs, le père Roque n'hésitait jamais devant une saisie. Puis il rachetait à bas prix les biens hypothéqués. Et M. d'Ambreuse, voyant ainsi rentrer ses fonds, trouvait ses affaires très bien faites. Mais cette manipulation extra-légale le compromettait vis-à-vis de son régisseur. Il n'avait rien à lui refuser. C'était sur ses instances qu'il avait si bien accueilli Frédéric. En effet, le père Roque couvait au fond de son âme une ambition. Il voulait que sa fille fût comtesse, et pour y parvenir, sans mettre en jeu le bonheur de son enfant, il ne connaissait pas d'autre jeune homme que celui-là. Par la protection de M. d'Ambreuse, on lui ferait avoir le titre de son aïeul, Madame Moreau étant la fille d'un comte de Fouvent, apparenté d'ailleurs aux plus vieilles familles champenoises, les Lavernades, les Détrigny. Quant au Moreau, une inscription gothique, près des moulins de Villeneuve-l'Archevêque, parlait d'un Jacob Moreau qui les avait réédifiés en 1596, et la tombe de son fils, Pierre Moreau, premier écuyer du roi sous Louis XIV, se voyait dans la chapelle Saint-Nicolas. Tant d'honorabilité fascinait M. Roque, fils d'un ancien domestique. Si la couronne comtale n'en venait pas, il s'en consolerait sur autre chose, car Frédéric pouvait parvenir à la députation quand M. d'Ambreuse serait élevé à la pairie, et alors l'aider dans ses affaires, lui obtenir des fournitures, des concessions. Le jeune homme lui plaisait, personnellement. Enfin, il le voulait pour gendre, parce que depuis longtemps, il s'était féru de cette idée qui ne faisait que s'accroître. Maintenant, il fréquentait l'église, et il avait séduit Mme Moreau, par l'espoir du titre, surtout. Elle s'était gardée, cependant, de faire une réponse décisive. Donc, 8 jours après, sans qu'aucun engagement ait été pris, Frédéric passait pour, entre guillemets, le futur de Mademoiselle Louise, et le père Roque, peu scrupuleux, les laissait ensemble quelquefois.